sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. 89.1. CKRL. Québec. Bienvenue à notre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Comme à l'habitude, on fera aucun changement au concept de l'émission. Je vous offre de la musique qui est disponible en téléchargement gratuit. Donc, pour consulter les pièces entendues à l'émission, vous vous rendez au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir voir la playlist et les liens pour télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. C'est des pièces qui sont distribuées sous licence Creative Commons. Donc, vous pouvez la plupart du temps remixer les pièces et les redistribuer sous la même licence. Donc, avis aux intéressés, ça peut toujours être le fun de réessayer les différentes pièces, mais à votre façon. Donc, on va débuter avec une pièce vraiment longue, un gros 9 minutes 33. C'est HS, un artiste assez mystérieux, pas vraiment de présence sur les internets. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est publié sur l'étiquette MP3 Death. C'est la pièce s'intitule Birds of Prey. On écoute ça tout de suite à Web Music. And I would like to tell you about my forthcoming lecture. It is about the birds and their age-long relationship with man. The story of man and his friends, the birds, is filled with many fine examples of ways in which these noble creatures have added to the beauty of the world. Originally, there were many varieties of birds on Earth. Some have become extinct. The great auk, the passenger pigeon, and the famous dodo bird have all disappeared. Actually, they didn't exactly disappear. They were simply killed off. We'll be right back. flight for its own purpose. Arctic terns are record travelers, crossing the entire planet twice in a single year. Flamingos seek out terrible places, and from poisonous lakes to raise their chicks where almost nothing else can survive. Quillias, the most numerous birds on Earth, flock for protection, swirling across the African sky like a school of fish. Amazed by their mysterious abilities, we have studied birds with more zeal and dedication than we have any other creatures. Spruce it up. Make it pretty. Thank you. What a sad little tote bag. I know. I'll put a bird on it. Did you see this bag before? I didn't. Now there's a bird. It's flying. It's free. I'm painting a bird on a bird on a bird on a bird on a bird on a bird on a bird on a bird on a bird. Une pièce assez épique, c'était HS avec Birds of Prey. C'était publié sur l'étiquette MP3 Death. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On va poursuivre avec un artiste de la ville de Odessa en Ukraine. C'est Dada Cat. C'est sur l'étiquette Ringe Raja Records. Une étiquette qui se spécialise dans les mash-ups de musique des Balkans avec un peu de breakcore au travers. Donc, des pièces vraiment entraînantes. Toujours intéressant ce qui est publié sur Ringe Raja Records. Donc, on va entendre la pièce Gypsy Queen de Dada Cat. Ensuite de ça, sur l'étiquette expérimentale Haze Net Label, c'est un duo qui nous vient de New York et de San Diego. C'est The Fucked Up Beat avec la pièce Flagstaff Crop Circles 9-11 Mothman Found Alive in Arizona Desert. Donc une pièce assez mystérieuse. On écoute tout de suite Dada Cat avec Gypsy Queen. We'll be right back. C'était de Fucked Up Beat avec la pièce intitulée Flagstaff Crop Circles. Donc, ben oui, il y avait un bug vraiment étrange. Merci aux saints patrons de la couffaine qui m'ont donné un coup de main. Donc, c'est ça. Avant ça, c'était Dada Cat avec la pièce Gypsy Queen. Ça, c'était publié sur l'étiquette Ringe Raja Records. On va poursuivre avec un artiste sur l'étiquette DeepX Recordings, un net label qui est spécialisé dans la musique techno. Et c'est donc Stoner Space Squash. Je vous fais entendre la pièce Dreaminess. We'll be right back. Donc, c'était Stoner Space Squash avec la pièce Dreaminess. C'était publié sur l'étiquette Deepex Recordings. Donc, vous pouvez toujours vous rendre sur la page de WebMusic au www.webmusic.ca. Vous allez pouvoir donc télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. C'est disponible de façon gratuite et légale. C'est important de le mentionner. On va faire une courte pause, puis WebMusic vous revient tout de suite après. N'écoutez pas ce qui suit. Deux semaines après l'éternité, une pièce où il n'y a pas de sac, pas de violence, même pas de sang, juste un peu de sexe. Si votre mari suggère l'accouplement, acceptez alors tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera et sera tout à fait suffisant. En fait, ça parle d'une femme qui a rien dit pendant 40 ans, mais qui finit par parler. Puis son mari, qui est mort depuis deux semaines, il finit par l'écouter. C'est un show de vieux. Deux semaines après l'éternité, texte et mise en scène de Patrick Saussier au Studio P, du 27 février au 3 mars. Coproduction du Théâtre du Transport en commun de Québec et la compagnie Asphodel de Limoges, en collaboration avec le bar Le Sacrilège. Les billets en vente à la porte, en argent comptant seulement. Ils prennent même pas les cartes! Non, c'est un show de vieux. Vous écoutez CKRL 89.1. De retour à WebMusic, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. On va poursuivre avec un artiste de la ville de Bremen au Rwanda, c'est Terror Rhythms. C'est donc la pièce post-smack, c'est publié sur l'étiquette Yarn Audio. Ensuite de ça, sur l'étiquette Mastic, c'est l'artiste de Berlin Cosmonaut avec sa pièce Cloud Stairway. Donc on écoute tout de suite Terror Rhythms. Now we're Thank you. de la ville de Berlin en Allemagne. C'était Cosmonaut avec sa pièce Cloud Stairway. C'était sur l'étiquette russe Mastic. Avant ça, du Rwanda, c'était Terror Rhythmus avec sa pièce Post Smack. C'était publié sur l'étiquette allemande Yarn Audio. On va poursuivre avec un artiste espagnol, cette fois-ci du nom de Atabé, qui est publié sur Insectorama. C'est la pièce Deep Phase. C'est un remix par Kjordia Daikin, un Allemand. Donc, je vous ai déjà fait passer cet artiste-là plusieurs fois à l'émission. Donc, c'est ça, on écoute tout de suite Atabé avec Deep Phase. un peu de techno-dub vraiment efficace. C'était donc un artiste de la ville de Huesca en Espagne. C'était Atabé avec sa pièce Deep Phase. C'était un remix par Kjorda Daikin, un artiste allemand. Donc tout ça, c'était publié sur l'excellent netlabel Insectorama. Ça va déjà être tout pour Webmusic, donc je vous rappelle de vous rendre au www.webmusic.ca pour donc consulter la playlist et télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Il y a aussi la balado-diffusion donc qui est disponible si vous avez manqué des bouts de l'émission, c'est toujours disponible. Puis vous pouvez aussi suivre l'émission via Twitter, c'est à Webmusic, donc pour trouver l'adresse, rendez-vous sur le site. Donc de temps en temps, je poste des trucs en rapport à la scène Net Audio et différents trucs qui m'intéressent. Donc c'est le back channel de l'émission, ça se passe sur Twitter. On va terminer donc sur une dernière pièce. Avant ça, je vous dis de rester à l'écoute parce que c'est la croche-oreille qui s'en vient tout de suite après. Donc encore plein de bonne musique à CKRL pour toute la soirée. Donc on se quitte donc sur une pièce de Ignacio Tardieu. C'est un Espagnol qui est publié sur l'étiquette Deep in Dub, une étiquette italienne maintenue par Maurizio Micelli, qui fait une très bonne job. Donc beaucoup d'artistes dans le style techno-dub, vraiment une excellente étiquette, toujours des releases vraiment complètes, pochettes, etc. Beaucoup d'informations sur les artistes, donc Deep in Dub. Ils ont plus de 80 albums en téléchargement gratuit. Ça vaut vraiment la peine, je vous invite à les visiter. Donc on écoute la pièce de Ignacio Tardieu, la pièce s'intitule Friday Morning. On se quitte là-dessus, ça va être tout pour Webmusic. Passez une belle soirée. Téléchargez Web Musique sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Sebs, Thé et Lange, 67 René Lévesque Est et au Dorsey, le restaurant pub européen 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le dimanche 24 février, 20h, au Cercle. Entrée libre, contribution volontaire. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Restaurant L'Athéna, situé au 2980 1ère Avenue à Limoilou, vous offre un service de livraison jusqu'à 5h30 du matin pour combler votre appétit de fin de soirée. Goûtez à une de nos pizzas parmi un vaste choix, à nos club sandwich comme le club Athéna au poulet et gyros, ou bien notre poulet frit tout à fait craquant. Restaurant L'Athéna, 418-525-5509, livraison gratuite jusqu'à 5h30 du matin, payable avec Interac. Restaurant L'Athéna, pour combler votre appétit de fin de soirée. 2980, 1ère Avenue à Limoilou. 89.1. That's neat, cause I used to look at them all the time when I was little. You don't see that. C'est KRL. They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. Québec. La création et la diffusion d'art audio et électronique. Québec.